le bal des sons, Altesse, ouais, la relève, ouais, si si. Yeah. J'en ai passé du temps sur les bancs, d'épiler sur scène, à me remémorer les essais, car je savais que je braquerais la scène. C'est dans la mort qu'on veut former les légendes, mais moi je veux vivre ma vie, parce que mon kiff c'est de rassembler les gens. Vivre l'instant, s'arracher au quotidien, prendre du bon temps, n'imagine pas la vie sans tous les tiens. C'est dans les yeux des proches qu'on peut marquer ses repères, du cocon familial au cours de la filiale élémentaire. Parce que la vie ça va vite, ça s'anime, entendez leurs prières. Ceux qui sont partis sont unanimes, écoute, c'est partager son attention et tous ces doutes. Vous voir jouer au foot sous le soleil en plein mois d'août, c'est de répondre à vos sourires par mes sourires, parce que y'a rien de pire d'avoir un cœur et de pas s'en servir. Je n'oublierai jamais ceux qui sont dans mon cœur. La vie me pose des tracas, mais tout ça me fait pas peur. Je n'ai que mon seul combat pour m'élever aux yeux du monde. Je n'ai que mon seul combat pour exister chaque seconde. Mon seul combat, c'est le tien, c'est le mien, n'assiste pas. Représenter les miens, le reste ne compte pas. Je n'ai que mon seul combat pour m'élever aux yeux du monde. Je n'ai que mon seul combat pour exister chaque seconde. Mon seul combat, c'est le tien, c'est le mien, n'assiste pas. Représenter les miens, le reste ne compte pas. Je me demande pourquoi les hommes en uniforme sont-ils pas condamnés quand ils font des choses hors normes. Ils mettent des familles dans le drame, ça me rend fou, juste parce que ces ados étaient sur un deux roues. Bon, ça me fait mal, besoin d'un briefing. Écoute ma musique, c'est pas juste des fesses, c'est des bling bling. Mon combat c'est qu'on se mélange. Arrêtez de vous refermer, le racisme faut qu'il se range. Peu importe que tu crois à Bouddha ou au Christ, moi ce que je veux c'est qu'il y ait plus de métis. Bon, sur un instru posé, on peut causer. C'est mon cœur qui parle pour écrire, je n'ai pas à creuser. Je donne à celui qui en a pas, ça fait partie de mon combat. Je suis mousseline, j'ai peur d'Allah. Voilà la fin de mon couplet. Je suis un rappeur de la relève, mon combat c'est de croquer. Je n'ai que mon seul combat pour m'élever aux yeux du monde. Je n'ai que mon seul combat pour exister chaque seconde. Mon seul combat, c'est le tien, c'est le mien, n'assiste pas. Représenter les miens, le reste ne compte pas. Je n'ai que mon seul combat pour m'élever aux yeux du monde. Je n'ai que mon seul combat pour exister chaque seconde. Mon seul combat, c'est le tien, c'est le mien, n'assiste pas. Représenter les miens, le reste ne compte pas. Mon combat, c'est seul que je le mène face aux opprimés. Quand le destin peut basculer d'un pile ou face ou d'un coup de poignet. Et quand vient à mon dos l'épée de Damoclès, tu vois, je m'en moque pas, dis-moi pourtant pourquoi moi je la laisse. Né dans un milieu où les temps sont implaçables et on prétend pas savoir que la vie n'est pas palpable. Tu sais, heureusement que je ne suis pas illettré. Eh mec, j'en ai marre et au combat j'ai envie d'y mettre un trait. À quoi ça sert de parler sans mettre un œuvre? La vie est un tableau, faut essayer d'y faire une œuvre. Malheureusement, ce combat, tout le monde le mène, tout le monde le vit ou le vivra, tu verras. J'ai pas la maladie légère, car c'est le cœur qui parle. Je m'en bats les coups de gêner, car c'est le cœur qui parle. Voilà la fin de mon couplet. Je suis un rappeur d'un relève, mon combat c'est de croquer. Je n'ai que mon seul combat pour m'élever aux yeux du monde. Je n'ai que mon seul combat pour exister chaque seconde. Mon seul combat, c'est le tien, c'est le mien, n'assiste pas. Représenter les miens, le reste ne compte pas. Je n'ai que mon seul combat pour m'élever aux yeux du monde. Je n'ai que mon seul combat pour exister chaque seconde. Mon seul combat, c'est le tien, c'est le mien, n'assiste pas. Représenter les miens, le reste ne compte pas. Altesse, la relève, criminaux, honnête, hein. Ouais, ça c'est la famille, ouais. Toi-même tu sais, mon seul combat. Représenter les miens, le reste ne compte pas.